ce qu'avait ta petite voix, tes petites manies. Tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Je me bats pour toi. Ouais, je me suis trompé de note, putain, quand je recommence. Quelle buse, ce Francis. On recommence. Petite Marie, je parle de toi, parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. De la nuit froide me renvoie la balade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, que tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt. Au soleil de Floride, moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Francis, allez bien Francis, viens chanter. Viens chanter Francis, sors de la cabane, au fond du jardin. Petite Marie, je parle de toi, parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, coquin de sort, on se retrouve à l'abri dans une cabane, fond d'un jardin, avec des milliers de roses et de cailloux, des cailloux, des rivières aussi, et des cailloux qui défilent la rivière. Il y aura aussi des sapins. Je prendrai ma guitare à la main. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile. Ton toit, il est pas beau ton toit, et je crois qu'il faut le refaire. Je me caille, tu vois, en jouant cette balade avec ma guitare à la main. Que j'ai cassé le corde. Attends, je vais la changer. Oh putain, il fait froid quoi. Je n'arrivais pas à serrer la mécanique. J'ai froid, il pleut. Et cette cabane, et cette tuile. Petite furie, tu dis que la vie c'est une balle à chaque doigt. Soleil de Floride, moi mes poches sont. Mes yeux, putain, ils pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Oui, d'accord, ça chante pas comme ça, non, mais je vais l'adapter. Parce que j'ai pas pu tout boucler sur le sampler. Alors on va faire le refrain quand même. Je viens du ciel et les étoiles entraînent, ne parlent que de toi. Oh, mais putain, c'est la même. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Non, ça va pas, je suis désolé, ça va pas. Aux galinettes, papé! Jean-Pierre, je t'entends pas, il faudrait que tu chantes avec moi. Petite Marie, je parle de toi. Ah, je sais, je vais faire une version Jean-Pierre. Petit Jean-Pierre, je parle de toi. Parce qu'avec ton petit piano, ton petit farfisa, tu me fais rire à chaque fois. Je sais bientôt tu auras un grand piano pour t'éclater, tu vois. Et j'attends le moment où tu joueras de ta belle batterie. Je me contente de cet orgue que tu as toujours avec les touches cassées. Mais c'est pas grave, toi tu sais t'en contenter. Moi, tu vois, j'achète et j'achète, et ça sert à rien, putain, j'ai que deux mains. Et justement, demain, je sais pas où je serai. Allez, on a fait une dernière. Petite Marie, je parle de toi. Parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats. Retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile de ton toit. Le vent de la nuit froide me renvoie à la balade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie, c'est une bague à chaque doigt. Au soleil de Floride, moi, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid.